En Corée, à l'occasion du 9e anniversaire de la publication de l'historique déclaration du 4 octobre, a eu lieu le 4 courant, la marche en vélo pour la réunification du comité préparatoire de la région chinoise pour la conférence conjointe des organisations politiques et sociales et des personnalités du Nord, du Sud et de la diaspora en faveur de la paix et de la réunification indépendante de la péninsule coréenne. La cérémonie de départ de la marche en vélo s'est tenue devant le monument à la triple charte de la réunification de la patrie à Pyongyang en présence des cadres intéressés et des citadins de Pyongyang. Les orateurs ont souligné que tous les Coréens doivent suivre le programme commun de réunification tracé par les grands hommes Paek Tosan et que les machinations des sécessionnistes du dedans et du dehors du pays ne peuvent empêcher la lutte nationale pour la réunification de la patrie. Le corps de marche a quitté Pyongyang pour arriver le même jour à Panmunjom via plusieurs régions. Les participants à la marche ont organisé une réunion devant le pavillon Panmun en faveur de la paix et de la réunification indépendante de la péninsule coréenne. Avant le commencement de la réunion, ils ont déposé des gerbes de fleurs devant la stèle à l'autographe du président Kim Il-sung érigée à Panmunjom et se sont inclinés. Des discours ont été suivis des allocutions des témoins et victimes de l'enlèvement collectif par les agents secrets sud-coréens. L'assistance a lancé un appel à tous les compatriotes coréens.